Bugira. François Kimanasiona Mizanonde, merci auditeurs auditrices de la radio Isanganiro de nous rester fidèles. Bienvenue à cette grande édition de la mi-journée de ce lundi 12 octobre 2020. D'abord l'essentiel. Le parti UPRONA vient de s'engager à contribuer pour que les auteurs de l'assassinat du prince Louis Gwagasore soient traduits en justice. Pour vous entendrez donc le député Abel Gachati, président de son parti, qui appelle la Belgique à reconnaître son implication dans cet assassinat. Au sommaire également, ces habitants des quartiers Winhelekwa et Nyawagere de la zone urbaine de Gihosha qui plaident pour le curage du ruisseau Chali, ayant entraîné des dégâts l'année dernière. Ils avancent que ce sont des travaux promis par les autorités. Vous l'entendrez. À Chibitoke, nous rapporte la direction communale de l'enseignement à Mugui qui a besoin de 40 millions pour résoudre les défis auxquels elle fait face. Le directeur communal de l'enseignement promet la mise en place du fonds d'appui à ce secteur. Comme tous les lundis, vous en avez habitué, vous avez droit à la chronique sportive et aujourd'hui, on va poursuivre l'arbitrage de tennis de table. Voilà pour l'essentiel. Bonjour, je vous le disais tout à l'heure, le parti UPRONA demande à la Belgique de reconnaître sa part de responsabilité dans l'assassinat du prince Louis Gwagasore, comme elle l'a faite pour Patrice Lumumba, héros de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué sorti à la veille de la commémoration du 59e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Gwagasore, le président de l'UPRONA a dit que son parti est prêt à traduire en justice tous les commanditaires de ce crime. Suivez le député Abel Gachati. Le parti UPRONA rend un vibrant hommage au prince Louis Gwagasore pour l'exploit qu'il a accompli, lui et ses compagnons de lutte, en faisant parvenir le Burundi à l'indépendance nationale dans la paix, l'unité et la concorde nationale. Nos aînés savent déjà, et surtout notre jeunesse devrait le savoir plus que quiconque, que ceux qui ont assassiné le prince Louis Gwagasore étaient des traîtres burundais ayant perdu les valeurs de notre culture, agissant en complicité avec certains colons qui voulaient maintenir le Burundi sous le joug de la domination coloniale. Le parti UPRONA s'est assigné de traduire en justice les commanditaires de l'assassinat du prince Louis Gwagasore et demande au gouvernement burundais son appui pour que ces commanditaires soient connus en dégageant la responsabilité de certains colons belges qui ont agi en complicité avec les chefs du Parti démocrate chrétien PDC. Le parti UPRONA lance également un appel au peuple et au gouvernement belge à la reconnaissance de la responsabilité de la Belgique dans l'assassinat du prince Louis Gwagasore, ancien premier ministre burundais, comme cela a été fait pour le premier ministre congolais Patrice Lumumba. Le parti UPRONA réaffirme son attachement aux valeurs de paix, de justice et de fraternité qui ont toujours caractérisé le prince Louis Gwagasore, figure majeure de l'histoire de l'indépendance du Burundi, qui, avec son statut social de prince, n'a pas hésité à mener le combat de liberté pour le peuple burundais. Quant au travail d'enquête sur le passé du pays mené par la Commission Vérité et Réconciliation, le parti UPRONA demande au gouvernement de continuer à appuyer cette commission. Toutefois, Abel Gachati estime que cette commission devrait pousser loin dans ses enquêtes et de ne pas se limiter à certains faits. Encore une fois, le député Abel Gachati. Concernant le travail de la CVR, il faut quand même que cette commission soit quand même dotée et des moyens suffisants pour enquêter, pas pour les massacres, je dirais, des années récentes, mais il faut qu'elle pousse loin, même à l'époque coloniale, il y a eu quand même des bavures, il y a eu des assassinats. Nous avons des Burundais qui ont combattu pour la souveraineté de notre pays, mais il faut que la CVR pousse loin et donne la lumière pour quand même établir la responsabilité de ces coupables qui ont freiné le développement de notre pays. Donc, la CVR, elle est en train de bien travailler et doit continuer à travailler et surtout, elle doit couvrir la période sombre qui a caractérisé notre pays dans l'histoire du monde et dans l'histoire du Burundi. Et en page sécurité, à présent, une personne est morte noyée dans les eaux du lac Tanganyika, une cinquantaine de maisons détruites, une dizaine de poteaux électriques écroulés. Tel est le bilan de dégâts occasionnés par des pluies diluviennes mêlées de vents violents tombés dans la commune de Lumonge. Et Bugarama de la province Lumonge, l'après-midi de ce dimanche, les clients de la régie des eaux dans le noir, la nuit de ce dimanche, dénoncent la lenteur de cette société dans le remplacement des vieux poteaux électriques. Selon l'antenne de la régie des eaux à Lumonge, certains remplacements exigent d'autres opérations. On va revenir sur cet élément. Mais une jeune fille élève au chef-lieu de la commune Burambi. Là, nous sommes en province Lumonge, toujours. Elle est dans les mains de la police de Burambi depuis ce samedi. La police l'accuse d'infanticide la nuit de ce vendredi. Le corps de l'enfant a été retiré de la latrine où il avait été jeté pour son enterrement. Le commissariat de police de Lumonge confirme cette détention pour des poursuites judiciaires. Et un corps a été découvert ce matin à la 5e avenue du quartier Nyamugari dans la ville de Gitega. Selon le chef de zone Gitega urbain, Butoyi Hussein, la victime était âgée d'environ 55 ans et a été égorgée à 200 mètres d'eau chez elle aux heures avancées de la nuit dernière. Cette autorité administrative ajoute que les auteurs de ce meurtre ne sont pas encore identifiés et qu'il aurait violé avant de la tuer. Et les enquêtes ont commencé, la victime étant vulnérable, les voisins et l'administration contribuent pour son enterrement digne. Après une courte pause, on va continuer avec cette édition. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Page éducation à présent, plus de 340 millions de francs burundais, le montant dont la direction communale de l'éducation de la commune Murgui a besoin pour le bon fonctionnement de ce secteur dans cette commune. Propos du directeur communal de l'enseignement à Murgui, il promet un fonds d'appui de ce secteur, n'est-ce pas Alexis Ndairagic? C'est plus de 340 millions que la direction communale de l'éducation de Murgui a besoin seront destinés à l'achat de bancs pupitres, à la réhabilitation des écoles endommagées par les pluies de Vienne, à la construction de nouvelles salles de classe, au paiement des enseignants bénévoles et au déplacement des directeurs communaux de l'éducation et ses conseillers de l'encadrement des enseignants. Ce sont les propos du directeur communal de l'éducation commune Mogui Nestor Nyonizé lors de la rencontre des ressortissants de cette commune de ce dimanche. Pour avoir cette somme, les participants dans cette réunion ont demandé à tout habitant de Mogui de participer aux cotisations pour améliorer le secteur de l'éducation. Ils se sont convenus qu'un fonds pour le soutien de ce secteur soit créé. Concernant les enseignants et les élèves qui désertent les actuels scolaires les jours du marché, les participants ont demandé qu'ils soient sanctionnés. Le gouverneur de la province de Bitoke, Karim Zosa, natif de cette commune, demande que les ressortissants de la commune Amogui aident dans le domaine de l'éducation à partir de la base, c'est-à-dire sur leurs collines d'origine. L'administrateur de la commune Amogui, Mirka Ezo Kizwanayo, demande à tout bienfaiteur qui veut participer dans le secteur de l'éducation d'assister sans considération du fonds pour le soutien du secteur de l'éducation qui vient d'être mis en place. Depuis Chibitoke, Alexis Ndairagije, Radio Isanganiro. Merci Alexis Ndairagije. C'est en cette même commune où plus de 25 hectares de champs de manioc et de bananes, 44 maisons en tôle, 56 maisons en paille, 6 salles de classe, 2 églises qui ont été endommagées suite aux dégâts occasionnés suite aux pluies torrentielles l'après-midi de ce dimanche. Les victimes demandent d'être assistées. L'administrateur de la commune Mogui demande à la population de s'entraider en attendant d'autres assistances. Et en page santé, l'action de plaidoirie pour une législation sur l'alcool au Burundi trouve nécessaire la mise en place d'une réglementation de l'alcool au Burundi. Séraphine Manirambona, représentante légale de cette organisation, précise que cela limiterait les dégâts liés à la consommation excessive de l'alcool. Cet appel est lancé à l'occasion de la célébration le 3 octobre de chaque année de la Journée internationale sans alcool suivie. Au Burundi, la boisson a une place importante dans la culture burundaise. La population consomme tout genre de boissons alcoolisées. Ce qui préoccupe de plus est que ces boissons censées être réservées aux adultes sont consommées en grande partie par les jeunes mineurs. Les études faites en 2017 par l'Association des guides et des scouts du Burundi sur la consommation de l'alcool dans deux provinces, Kayanza dans les communes de Gatara, Kayanza et Matongo, et à Chankuzo dans la commune Kigamba, Chankuzo et Mishiha, sur la consommation de l'alcool montrent des résultats très lamentables. À la suite de cette consommation, plus d'un affirme que la violence est l'une des plus grands effets résultant de l'alcool. Par exemple, 38,3% des hommes reconnaissent avoir forcé leurs femmes à faire des relations sexuelles. Nous profitons de cette occasion pour remercier le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida pour avoir mis en place une ordonnance spécifiant les boissons prohibées. Depuis 2010, BAPA a entrepris un programme de plaidoyer pour qu'il y ait la mise en place d'une réglementation adéquate sur l'alcool au Burundi, et toutes les actions ont été menées en collaboration avec le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida. Malheureusement, malgré tous ces efforts déployés par les partenaires divers, cette réglementation se fait toujours attendre du moment que tout le monde reste conscient de la gravité des conséquences néfastes qui en résultent. Revenons à Page Éducation. Au lycée de Lugari et ses environs en commune et province Muyinga font face au manque d'eau pour avoir de l'eau. L'école et les habitants doivent s'acheter du carburant pour alimenter un moteur de pompage à la source de Dorata. Lors d'une visite effectuée à ce lycée ce dimanche par des anciens élèves du lycée, une génération dite Ebikogwa, le directeur a demandé aux visiteurs de cet établissement de 70 ans d'apporter un coup de main du Donenzeiman. La rencontre entre élèves du lycée Lugali et les anciens à cet établissement est une occasion d'échange qui n'occulte pas les défis. Kajab Gami Valente, directeur de l'école, insiste sur le manque d'eau. Il indique que si l'eau manque à Lugali, il y a des possibilités d'en avoir en réparant l'ancien réseau d'addiction ou en faisant de nouvelles addictions à partir du centre urbain de Muyinga ou en dotant du courant électrique à la source de Rata tout proche. Préoccupation avec des habitants proches du lycée, vieux de 70 ans, et qui devait être le foyer de développement aux yeux des habitants. Cette mère précise qu'on peine à acheter l'eau à raison de 300 francs le bidon. L'alternative de la source de Rata est l'espoir des résidents. Un prêtre natif de Lugali a posé les tuyaux et un moteur de pompage. Il faut payer le mazout utilisé si on veut des approvisionnements. La direction de l'école demande aux anciens du lycée, dont des cadres, d'appuyer une centaine d'anciens de l'école du temps de la guerre sous le nom de Génération Bikogwa, prenant le lead en guise de reconnaissance. Dimanche même, donne leur appui en dictionnaire, ballon, rétroprojecteur et chaque élève bénéficie des savons de toilette. Rugali, Dieudonné Nzeyimana, Radio Isanganiro. Merci, Dieudonné Nzeyimana. Les habitants du quartier Nyabagere et Uwinterekwa de la zone Gihosha, en commune urbaine de Ntahangwa, demandent le démarrage des travaux de curage du ruisseau Chali. Ces habitants disent que les promesses des autorités n'ont pas été honorées et regrettent que rien n'ait été fait pour canaliser cette petite rivière. Ils avancent qu'ils n'ont pas de moyens pour initier ces travaux. On me montre de l'autre côté que l'élément n'est pas du tout prêt. Mais en traitant en province Rumonge, l'on avait parlé d'une des pluies diluviennes qui sont tombées, qui ont occasionné le délabrement des fils conducteurs de l'électricité de la régie des eaux, n'est-ce pas, Jean-Pierre Misako? À part un pêcheur tombé dans les eaux du lac Tanganyika, côté plage Magara, lors des vents violents qui ont soufflé en commune Bugarama l'après-midi de ce dimanche, l'administration communale de Rumonge dénombre plus de 70 maisons détruites et 10 poteaux électriques écroulés lors des pluies diluviennes mêlées de vents tombés au même moment. Certains quartiers de la ville d'Orumongue ont passé la nuit dans le noir, de même que les centres Karagara et Rutumo en commune Orumongue, ainsi que le centre de négoce de Magara en commune Bugarama. Les habitants de ces localités, dans l'obscurité, la nuit de ce dimanche à lundi, déplorent la lenteur de la régie des eaux quand elle est sollicitée dans le remplacement des vieux poteaux électriques ou en mauvais état, comme c'est le cas récent des habitants de Rutumo. Onesphore Nibayubahe, responsable de la régie des eaux à Rumongue, dit que le cas de Rutumo ne peut pas être réglé en un jour. Pour lui, il faut la disponibilité de nouveaux poteaux, mais aussi une nouvelle configuration de cette ligne électrique, car on ne peut pas de nouveau poser ces poteaux électriques dans la zone inondée par les eaux du lac Tanganyika, comme c'est le cas actuellement. Dans tous les cas, ce responsable de la régie des eaux à Rumongue dit que l'on s'active pour réalimenter en électricité les centres de Rutumo et Magara en attendant les travaux de grande envergure. En ce qui est de la ville de Rumongue, il rassure que ce problème doit être vidé ce lundi. L'alerte c'est aussi à Karagara et à Moussave en commune Rumongue où des transformateurs risquent de tomber par terre si les poteaux qui les supportent ne sont pas remplacés dans les meilleurs délais. Ici, Onesphore Nibayubahe dit que des actions urgentes visant la protection de ces transformateurs sont envisagées. Jean-Pierre Misago de Rumongue, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique sport. C'est l'arbitre central de tennis de table qui prend la dernière décision en cas de désaccord arbitral sur une faute commise lors de la compétition. Comme expliqué par Ali Bukumbanya, président de la Fédération burundaise de tennis de table, n'est-ce pas Marie-Claire Kazenet? L'arbitre central de tennis de table collabore avec les juges de touche, appelés également juges secondaires, lorsqu'il y a une dispute entre les compétiteurs. Cela est dit par Ali Bukumbanya, président de la Fédération burundaise de tennis de table. Généralement, l'arbitre central collabore quand il y a une dispute entre les deux joueurs pour un point, pour une appréciation quelconque. Mais généralement, les juges de touche, les juges qu'on appelle secondaires, ils collaborent seulement avec le juge principal quand il y a seulement une revendication des joueurs. À ce moment-là, comme je le disais, l'arbitre principal, généralement, quand il s'agit d'une erreur qui s'est passée sur le côté gauche, il va alors se rabattre sur l'arbitre secondaire du côté gauche pour lui demander ce qu'il a vu, ce qu'il a constaté. Après avoir eu des informations, il peut valider le point ou il peut prendre une autre décision de refuser. Quand les disputes continuent, quelquefois, il peut même prendre une décision de refaire le point. L'arbitre de tennis de table, quand il commet une erreur, il peut être sanctionné conformément à la loi régissant le tennis de table selon la grandeur de la faute commise. L'arbitre, comme n'importe quel membre d'un club ou d'une association, quand il fait une erreur qu'on peut apprécier de volontaire ou de mauvaise foi, il y a lieu qu'il soit sanctionné. Les sanctions sont prévues par le règlement d'ordre intérieur qui guide la discipline. À ce moment-là, l'arbitre peut se voir à infliger une sanction de suspension pendant quelques temps, un mois, deux mois, six mois, seront les clauses du règlement d'ordre intérieur. Lorsqu'une erreur devient répétitive, Ali Bukumbanya fait savoir que dans ce cas, l'arbitre peut être suspendu définitivement. Quand l'erreur devient répétitive, ou s'il montre qu'il n'est pas vraiment intègre, il fait se voir même exclu de son corps d'arbitre. Ce président de la Fédération burundaise de tennis de table appelle le ministère ayant le sport dans ses attributions d'augmenter les frais destinés à la formation des arbitres. Quant aux arbitres de tennis de table, Ali Bukumbanya leur demande de travailler toujours en se référant aux règles de ce sport. Merci Marie-Claire Kazenet. C'est par ici que nous mettons point final à cette édition de la mi-journée. À vous tous qui l'avez suivi, je vous remercie. Également merci à François Akimana qui l'a mise en onde. Elie Nibel Nibigila j'étais à sa présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Au revoir.